Bienvenue au 37e épisode du podcast des Nous. Le podcast des Nous est une présentation des Nous. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ghost in the Shell, le film live américain sorti en 2017. Je dois avouer ne pas comprendre le bashing sur ce film. Oui, ce n'est certainement pas aussi bon que le film animé, ou le manga, ou la série standalone complexe. Mais on devrait être capable d'apprécier un film par lui-même, et non juste en le comparant. Ce film est plus un remake du film animé de Mamoru Oshii qu'une nouvelle adaptation du manga de Masanobu Shirow. L'histoire est assez différente, mais ce film s'inspire clairement de plusieurs scènes du film, de sa mise en scène, de son style, allant jusqu'à copier plusieurs plans. Le fait que l'histoire soit différente n'est pas un mal. La nouvelle histoire est assez intéressante malgré quelques défauts. Je pense surtout à une scène supposément émotionnelle où le personnage principal en apprend un peu plus sur son passé. Ça m'a quasiment fait l'effet d'une infodump pas très intéressante. Bon, le film original a ses scènes d'infodump, ce qui n'est rien comparé du manga. Oh my god. Mais ce n'est pas une raison, et les scènes en question des autres Ghost in the Shell ne se veulent pas émotionnelles. Mais malgré quelques petits problèmes de ce genre, ce nouveau Ghost in the Shell s'en sort très bien. C'est de la science-fiction genre cyberpunk, avec une majeure qui est un cerveau humain dans un corps de robot, une cyborg. Elle travaille dans une organisation antiterroriste, dans un futur où les gens ont des implants cybernétiques et peuvent se faire hacker le cerveau. Ce qui nous amène bien sûr à nous poser des questions sur ce qu'est l'humain, sur l'esprit et ce genre de choses. Grosse différence avec les autres versions, elle serait la première, le prototype d'une nouvelle technologie. Sans avoir la subtilité ou la profondeur des précédents Ghost in the Shell, ce film fait tout de même un divertissement intéressant et plutôt intelligent. Le visuel s'inspire clairement du film animé, ce qui n'est pas un mal comme l'a déjà prouvé Matrix. Certains effets spéciaux ne sont pas parfaits, mais l'ensemble est réussi. Les scènes d'action ne sont pas bien impressionnantes, mais à moins d'avoir été piégé, on ne vient pas voir un Ghost in the Shell pour l'action. Certaines décisions sont étranges, comme le casting de Takeshi Kitano parlant japonais, mais tout ça finit par fonctionner. Si vous vous souvenez de mon système de cotation, qui est sur 5, je donne 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise et 0 à une nullité. Tel que M. Trump, je me sens généreux et vais lui accorder un 4 sur 5. Devinez combien je donnerais au film animé de Mamoru Oshii. À la prochaine.